cœur qui revient. Ah, pourquoi me tromper? Non, ces terres lointaines dont ils te menaçaient, tu ne les verras pas. Nous fuirons tous les deux au-delà de ces plaines. Nous porterons nos pas. Thank you. la nuit qui tombe, c'est la première étoile. Suis encore coquette. Oh bien, partons, Manon. Je t'aime. Et ce baiser, c'est un adieu suprême. Non, je ne veux pas croire. Il le faut, il le faut.